Chapitre 293. L'interdiction d'imiter Satan et les mécréants. 1634. Selon Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ne mangez pas de la main gauche, car Satan mange et boit de la main gauche. » Muslim. 1635. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit que personne ne mange ou ne boive de la main gauche, car Satan mange et boit de cette main. Muslim. 1636. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Les juifs et les chrétiens ne se teignent pas, alors distinguez-vous d'eux en le faisant. » Al-Bukhari et Muslim. Il s'agit de se teindre les poils blancs de la barbe et les cheveux blancs en jaune ou en roux. Quant à la teinture noire, elle est interdite, comme nous le verrons au chapitre suivant, si Allah Ta'ala le veut.